Yongo lapi te pare, obite malko bebe, lemri ve tombe bale. Un bebe kap gazouye, nanko seko seko je. Lidi mwen pap sarete, paske l gen etranje, paske l gen etranje. Cherchez pas, j'aime dormir sans souper. Moi, vin rete m'pa parler. Oui, moun se mak te rentre. Tant qu'on kabrit kampetre. C'est qu'on sa m'leve m'prale. Nan saute, saute, saute. Glisse m'tombe, pied m'kase. M'oblige à l'éternel. M'oblige à l'éternel. Mon lakay bien negete, yo pat kon kote male, Radio Caraïbe na, yo jwenn mwen nan kwen sans am, maman paret pou gade, lèl wè nan etat kebe, li tombe indispose, tombe indispose. Malé, Radio Caraïbe nam, yo jwenn mwen nan kwen sans am, mam bam paret pou gade, lè lwè nan etat kebye, li tombe indispose, tombe indispose. Tombe indispose, tombe indispose. Ti papa, sa kwa son kon sa? Oh oh, serye mwen mwen mak fia, ou konprann? Alors mwen mèm mettez mon petit Jean comprendre mal fait la plus barre moi mon gars mon petit Jean puis en ordre comprendre oh oh l'aime garder ah moi mon baron tomber moi disposer moi croire tomber moi disposer.